tes pieds s'approchent de moi. Douceur de vivre, le monde en ton passage se rétrécit. Signe d'argent sur l'herbe qui s'assoupit. Au lac tranquille où mon désir te suit. Ton pas allume en moi la braise vive et le désir s'embrase sans bruit. Tes pieds je les embrase à me ravir. J'entends l'appel sucré de notre nuit. Ma bouche ardente couvre ta peau fragile. Soudain la fièvre, l'audace et l'argile. Je suis le cours d'un fleuve transparent. La pudeur tombe, la honte s'exile. Et quand s'ouvre sous mes lèvres dociles le seuil d'amour, je n'ai plus d'Occident.